collier de diamants. Écoutez cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd jusqu'à 4 heures avec Jolaine Ruet. Critique de Crowd, ben oui, le nom le dit, je critique les foules, je les observe et j'aime ça aussi, faire partie de la crowd, donc m'énerver. Ce sera le cas pour Pop, qui était sold out à la Sala Rossa et beaucoup, beaucoup de plaisir avec le indie punk rock, même que des grands fans, ben en tout cas un, là, j'en ai... Il y en avait beaucoup puisque c'était sold out, mais il y en a un qui va être présent aussi en studio et c'est nul autre que le directeur de la programmation, Étienne Dubuc. Alors, sa version des faits, des événements. Mais c'est pas juste ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu pour cette semaine. Lesbo Vrouvren était pas jeudi dernier, l'autre au Quai des Brumes pour leur lancement et il fallait absolument que je t'en jase. Aussi parce que ça donne bien ces deux spectacles-là en même temps parce que le pré-spectacle pour Jolaine a été quand même des gros événements. Non, je parle pas toujours en onde à la troisième personne du singulier. C'est tout simplement qu'entre Critique de Crowd et moi-même, ben ouais, c'était avant le spectacle, puis je pense que c'est juste ma face, mais ben des anecdotes de gens dans le métro qui ont fait la différence, oui, sur ma perspective des événements et des spectacles, mais qui ont aucun rapport. La joie des inconnus. Alors, on va partir tout de suite en musique avant ces merveilleuses anecdotes d'inconnus. Avec Chocolat, on l'écoute et on l'entend abondamment à CISM. Mais pour moi, c'était aussi un rappel parce que là, on est rendu en décembre. Crowd, cher auditeur de CISM, je te le rappelle, on est au mois de décembre. Mais moi, j'étais comme un peu en train de l'oublier et oublier le fait que ma sœur m'avait donné pour ma fête, qui est au mois de novembre en passant, mais elle m'avait donné un calendrier de l'Avent. Déjà, en partant comme cadeau, ben c'est déjà beaucoup de Crowd de Chocolat. Mais aussi, moi, je trouvais que c'était drôle de cadeau parce que le calendrier de l'Avent, ça annonce les prochains cadeaux comme ceux de Noël. Fait que ça faisait beaucoup rire, c'est drôle comme cadeau. Reste qu'en oubliant que j'étais au mois de décembre, j'ai oublié de manger mes chocolats, puis j'en ai vraiment beaucoup trop. Fait que là, je l'ai dans mes mains, j'ai le 5 décembre, et si on entend bien la boîte qui ouvre, oh, bruitage, mais c'est du chocolat blanc, érable et vanille, fait que si tu passes dans le coin de CISM, tu peux venir en manger, ou si t'es écrit sur le Facebook de Critique de Crowd, je vais t'en garder un. Je te le promets, je suis une fille de promesses. Sur ce, ben, on va commencer tout de suite en musique avec chocolat. Ben oui, j'en parle. On va... C'est aussi agréable de l'écouter qu'à manger. Et ça va être avec la chanson « Retrouver Loulou » de leur album « Rencontrer Loulou ». « retrouver Loulou Chocolat de leur album Rencontrer Loulou. Je vous suggère bien de l'écouter bien au complet. Vous écoutez Critique de Crowd. Et déjà des anecdotes de vie. Oui, je me semble que j'avais l'habitude auparavant de vous en conter plus souvent, chers auditeurs de CISM. Puis ben sûrement que ma vie était plate, fait que je vous parlais juste de spectacle. Mais jeudi avant dernier, ben oh mon Dieu, tu vois, même moi je suis perturbée de le dire. J'étais à l'avance pour Lesbo Vrouvren parce que j'étais déjà sur le plateau à 9h et l'événement indiquait 9h. Et pour, oh, une absurdité plutôt quelconque dans mon cerveau, je me suis dit, oh, l'événement dit 9h, donc il va sûrement commencer à 9h. Chose que je vous répète à chaque semaine, je suis devenue retardataire parce que les shows sont en retard. Bon, il y a plein de raisons aussi pourquoi je suis retardataire, là, mais le fait que je prenne pas d'avance pour mes sorties sont entre autres dues au fait qu'on respecte jamais l'heure. Et je sais pas pourquoi, vraiment, il y a aucune raison valable à part le simple fait que physiquement, j'étais sur Saint-Denis à 9h08 et je me suis dit, tiens, allons tout de suite au quai, le spectacle va bientôt commencer. Fait que c'est plutôt l'inverse. Quand je suis arrivée sur place, il y avait déjà des musiciens, ils m'ont regardé d'un drôle d'air comme... Mais qu'est-ce que vous faites là? Je viens voir le spectacle. Il y avait même pas personne à l'entrée. La merch est pas placée. Les instruments sont pas placés. Ils viennent juste d'arriver. En plus, c'est des groupes de Québec. Fait que, le temps qu'ils se mettent le pied à terre, prennent leur temps, tranquille. Fait que, j'étais un peu perturbée de ma propre avance. J'ai fait comme, ben oui, qu'est-ce qui m'a bien pris? Mais là, le show, il va commencer. Bon. Si je veux voir les premières parties, évidemment, ils vont commencer dans 1h30, mettons. C'est quand même pas temps de boire une petite bière, on peut être tranquille, temps de promener, l'air frais du plateau, pourquoi pas. Mais là, je me suis dit, ah, je passais à la bibliothèque et j'avais vraiment envie de retourner chez nous et lire. Enfin, je me suis dit, je vais retourner, tu sais, 11h30, je devrais être là, attends, je vais être correct pour voir Lesbo Vrouvren. Chose que je fais. Là, j'avoue qu'à date, l'anecdote est pas super palpitant, le fait que je te compte, je suis retournée chez nous lire. Le seul point, c'est que, ouais, qui dit retournez chez vous tranquille, ben je me suis endormie sur mon livre. Et ça, c'est pas une question de la qualité littéraire, mais plutôt comme je m'endors vraiment facilement dans la vie. Et c'est juste, c'est niaiseux. J'ai juste le sentiment comme, tu sais, la photo d'enfant, là, l'enfant qui s'endort dans son spaghette, là, comme sa tête écrasé dans les pâtes pis la sauce. Mais c'est un peu comme mon com avec un livre. Fait que ça restait quand même plus propre. Reste que je me réveille, oh mon Dieu, en sursaut à 11h30 pis je suis vraiment comme un grand souffle pis je me fais le spectacle! Je suis tout seul chez nous pis je capote mais comateux. Ça, c'est vraiment un étrange feeling. C'est comme t'es sénère mais t'es fatigué. Et vraiment comme un sentiment d'obligation morale. Je me suis dit, faut que j'aille voir le spectacle. Je l'ai mis à mon agenda. Lesbo Vrouvren, ils n'ont pas fait de nouvel album depuis 8 ans. J'ai jamais pu les voir en spectacle. Il le faut. Mais j'avais aucune raison, comme, à part moi-même, je veux aller voir le spectacle. Il n'y avait pas d'autres raisons. Oui, vous le racontez sur les autres de CISM, mais je veux dire, c'est un peu étrange la pression que je me mets envers moi-même, tandis que je suis un peu perdue, pas réveillée. Ce serait si simple d'aller se coucher. Ah! Tu te dis, tu pourrais passer à côté d'une soirée. Puis j'ai le sentiment aussi, intérieurement, tu me dis, je vais passer à côté d'une soirée. Fait que c'est pour ça que, dans 2 secondes, je sors de chez nous, je cours, parce que là, je suis comme 11h30, je vais arriver à minuit, ah, le show, ah, je vais-tu arriver à temps? Faut qu'il commence tard. Puis là, j'arrive au métro, et comme le veut, à chaque fois que t'es pressé, ça c'est clair que ça arrive à tout le monde, à chaque fois que t'es pressé de prendre le métro, tu vois tout le temps le cul du métro, et là je voulais pas être vulgaire, mais comme tu vois le postérieur de fin de métro, là, t'es comme, ah non, tu m'as abandonné dans le projet, t'es parti avant moi, je courais, j'étais là, j'avais mon ticket, puis là je courais. Là, je regardais la petite horloge, la STM qui marquait 8 minutes. J'y arriverai jamais. Je retournais chez nous. C'est ça, j'étais pas due pour voir Lesbo. Et pendant que je regarde le fameux 8 minutes, qui quand même, quand on le tourne, c'est quand même l'infini. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça éternellement long, 8 minutes. Mais là, je regarde l'infiniment en 8, puis il y a une fille à côté de moi qui me regarde, puis fait comme, ouais, c'est long, 8 minutes. Je fais comme, ouais, pas à peu près. Veux-tu boire une bière? Hein? Mais tu es comme, d'accord, à la sort de sa poche. Tout ça, comme, de façon très gaimante. T'es comme, allez, partageons ce beau breuvage, parce que 8 minutes, c'est bien la durée d'une bière canette. Et il n'y avait pas tant grand monde sur le quai, fait question crowd, oui, elle se limitera à deux pour consommer ce breuvage. Mais j'ai trouvé ça drôle parce que la fille, elle me contait ça, elle venait de région. Et bon, déjà, je viens aussi de région, ça a l'air qu'on est, on a bien de la parlure. Dès qu'on arrive à Montréal, on se fait cataloguer de région, mais quand on est à région, on se fait dire qu'on jase pas entre nous autres. Moi, je comprends pas cette logique-là. Reste qu'elle me dit, ah oui, je viens de région, fait que moi, je jase à tout le monde. Des fois, c'est des messieurs, des fois, c'est des madames. Ben, à soir, ça a l'air que c'était moi. Et ce qui est encore plus étonnant dans la conversation, c'était les points en commun. Parce qu'elle me dit que s'en allait danser dans Saint-Henri. Je disais, pourquoi tu vas aussi loin? Pourquoi? Va à Roquette, c'est proche, c'est sympathique. En plus, le jeudi soir, c'est clair qu'elle avait une belle piste de danse. Là, elle m'expliquait, ah oui, mais mon ex travaille là-bas, c'est compliqué. J'ai dit, mais mon Dieu, que le monde est petit. C'est le triangle des Bermudes. Moi, je m'en vais au quai. Elle parle pas le genre. Je trouve ça drôle, l'expression, le monde est petit. Parce qu'au final, cette fille-là, je l'ai jamais revue et je l'avais jamais vue auparavant, même si on habite le même quartier. Ah, c'est la densité de population, nos habitudes, tout ça en même temps, je trouve ça toujours quand même fascinant comment les chemins se croisent et ne se recroisent pas par la suite. Reste que juste pour ça, juste pour permissivité qu'on se donne entre gens comme ça dans le métro ou n'importe où dans la vie, ça m'a donné raison de m'être levée en sursaut puis de me dire « Ouais, je vais aller voir les Sbouvrouvrines puis ça va être un méchant bon spectacle. » Déjà, il était bien parti. Il était pas commencé puis il était déjà bien parti, c'est pour dire. Et surtout, la fille, tu sais, j'ai dit « Ah oui, j'allais m'asseoir CISM. » Elle m'a fait des demandes spéciales. Elle me dit « Ah oui, j'aime pas ça la musique, j'aime pas ça écouter CISM. » Puis, au début, elle voulait « Amon Amart. » Puis là, j'étais « Ben non, je suis pas sûre que je vais t'en passer. » Mais son deuxième choix, c'était Jean Leloup. Ben oui, la variété. Fait qu'on va écouter son choix qui était « Feuilles au vent » de Paradis City. Et pour pas me mettre Amon Amart, j'ai décidé de vous mettre « Gourou » avec « Chasseur de dragons ». Je ne me rappelle plus quand ni depuis combien de temps j'ai regré des éléments. Je ne me rappelle plus quand ni depuis combien de temps je suis une feuille au vent. En marchant sous la lune noire, j'ai vu le désespoir soudain. Tenant par la main espoir, enfant du destin. Squelette incertain et horrible vaut rien, ils allaient sur le chemin. Il fera beau demain, moi je ne m'attends à rien. On est bien tous les deux, on pourrait être heureux. Je les suivais sans bruit jusqu'à ce que j'oublie. Je suis un train dans la nuit. Je les suivais sans bruit jusqu'à ce que j'oublie. Je suis un chien sous la pluie. Je ne me rappelle plus quand ni depuis combien de temps j'ai regré des éléments. Je me souviens vaguement d'une branche, un parc et puis un banc. Je me balance lentement. J'ai regret des éléments. Je me balance lentement. Je suis une feuille au vent. Qui me crache du feu. j'ai l'air de penser que j'suis un peu heureux. C'est pour me sur un 25 pieds pour réussir à ton palais. Par la queue, il a cloué au sol avec un pieu. Ta crise de l'âme m'a t'a coupé. Tu vas finir tout dégraissé. Chasseur de dragon, je l'écris dans mon CV. Chasseur de dragon, c'est un assis pour métier. Là, ça allait par là comme mix musical, vous me direz, chers auditeurs de CISM. Effectivement, parce que, écoute, moi, quand vous faites des demandes spéciales, je les respecte dans leur genre. Fait que Jean Leloup et mon... et ma façon de pas passer du Jamon Amor était gourou avec leur chanson Chasseur de dragons. Vous écoutez Critique de Crowd qui, ouais, après, c'est péripéties de Crowd de métro qui déjà donnait tout un charme à la soirée. Ben, j'arrive au Quai des Brumes voir Lesbo Vrouvren et quand je dis que c'est une soirée magique, c'est parce que je suis arrivée à la fin de l'entracte, juste avant Lesbo Vrouvren, malgré le 8 minutes d'attente dans le métro, j'étais comme, ah, j'étais due pour être de timing. J'étais fière de moi. Sinon, hey, Lesbo Vrouvren, comme j'ai mentionné, ça faisait 8 ans qu'il n'y avait pas sorti de quoi depuis encore la mort. Ce cher trio post-punk qui compte comme trio, ben oui, des membres de Mauve, N'Goul et Oromocto Diamond. Allez, mon Dieu, je peux pas le répéter plus vite que ça, Oromocto Diamond. C'est Sam Murdoch! Et pour ceux qui sont vraiment, vraiment habitués de l'émission, j'ai déjà critiqué au moins une fois, si ce n'est pas deux, Oromocto en spectacle. Et c'est Sam Murdoch. Quelle personne! Il est coloré, il est lui-même assez magique sur scène. Et c'est pas mal son énergie que j'ai retrouvée alors que vous aimiez, quel que soit son projet, je crois que vous allez retrouver, oui, cette essence-là du spectacle, s'il est présent. J'allais dire s'il est en forme, mais il est tout le temps en forme, fait que ça s'annule. Il est tout le temps coloré. Je vous dirais, à sa façon, ben le spectacle a commencé, il était au milieu de la crowd, au quai, puis ouais, sur une chaise en bois. Et là, il nous alerte en nous disant, entre autres, si on voulait des drinks, parce qu'il les payait, si on voulait des tattoos cheap, je pense qu'il nous les payait aussi. Bref, il était prêt à payer bien des affaires ce soir-là. Il était de bonne humeur. Et sinon, ben oui, c'est beaucoup ces interactions avec la crowd qui teinte l'ambiance générale du spectacle. Quand je dis ces interactions, parce que oui, c'est ce discours entre les chansons, mais c'est toujours vers le public. C'est beaucoup, beaucoup des questions. À la fin du spectacle, il va aussi nous demander c'est qui est né avant après Jurassic Park ou après MIRC. Là, le problème, c'est qu'il faut savoir les dates de ça. Là. Fait, je me dis, il me semble que je suis née avant ça, mais je suis comme, j'ai aucune idée des dates précises. Alors oui, ça crée interaction, pas non plus des, je veux dire, ça part pas des débats. Là. Je veux dire, oui, non, peut-être. Surtout quand il dit, c'est qui voudrait un bar open? Tu sais, imagine un Spotify bar open. Alors, c'est le genre de question aussi qui pourrait porter à certaines polémiques. T'sais, on pourrait en jaser longtemps. Et heureusement, il y a la musique et heureusement, il y a la crowd qui est de bonne humeur. Au début, je vois un duo, oui, ils sont deux, sautilleurs et danseurs. Oui, j'y vois une énergie et il va y avoir plus de gens au fur et à mesure de la soirée. Mais les mouvements que je trouvais plus ludiques et... ouais, quand même un peu farfelu, vont l'être de moins en moins durant la soirée, sauf pour une personne qui a, oh mon Dieu, qui a ressorti à vraiment des boulamites le move de la fureur. Oui, oui, là, celui qui se fait la vague, là. J'ai revu ça jeudi avant-dernier, c'était assez... Ouais, j'ai fait, oh mon Dieu, nostalgie, j'avais oublié ça. Fait que... Je pense qu'il y avait une certaine, oui, folie dans les mouvements, la danse était déjantée, mais malgré une certaine ampleur dans les mouvements, c'était énormément sur place. Tu sais, il n'y a pas eu de pit, il n'y a pas eu de trash, il n'y a pas eu comme de grands mouvements, du moins à mon souvenir. Par contre, il y a eu un bon. Il y a un gars, lui, il était parfait. Le gars, il avait un tricot avec un tigre dessus. Puis quand il est arrivé dans le spectacle, il est arrivé... Parce que oui, arrivé, OK, c'est arrivé dans le spectacle. Là, je veux dire, les corridors et la scène sont à côté de l'autre. Fait qu'on check un peu en même temps. Fait qu'il est arrivé, boum! D'un bon! Il est comme... Brrr, comme... Là, je suis incapable d'imiter un tigre. Là, je t'ai imité un chat, cher auditeur de CISM. Je sais que tu fais la distinction, mais... Je sais pas, comme il est arrivé un bond de tigre, là, c'était plus gros, plus, pas agressif, mais plus voyant. Et j'ai trouvé que c'était très agencé à sa tenue vestimentaire. Comportement animalier et emporté sur soi, c'est merveilleux. Vraiment, je pense qu'il a fait ma soirée. C'est tellement ridicule, mais ouais, ça fitait aussi avec les mouvements un peu rigolos que les gens faisaient. Les gens s'amusaient. C'était foncièrement ça. Sam, il s'amuse. C'est ce qu'il transmet à sa foule. Ce vent, d'une candeur, mais c'est pas naïf. Ouais, tout ça, ça va ensemble. C'est sympathique. Et il y a eu Navet Confit, c'est la deuxième fois qu'il se fait inviter, parce que je dis ça parce que j'ai vu Gab Paquet il y a une couple de semaines, il a fait une chanson, il est de retour, mon Dieu, il est souvent l'invité surprise dans les derniers spectacles que je vais voir, et cette fois-ci, il est venu porter du parfum de l'eau de rose Justin Bieber, et quand je parle d'interaction avec le public, ben c'était encore le cas parce que tout le monde a fait un et oui, Justin Bieber, il peut inévitablement pas sentir bon durant un show de Lesbos Vrouvrenne. Comme conclusion de spectacle, oui, il y a quelque chose de laisser aller des deux. En tout cas, il y en a fait deux en tout dans la soirée. Sam Murdoch, deux body surf, il prête sa guitare à fille du groupe Victime, elle joue à sa place. C'est, ouais, beaucoup de plaisir, de partage. Je l'aimais déjà avec Rogmokto Diamond, alors le voir dans Lesbos Vrouvrenne, oui, c'est ressemblant, mais anyway, c'est la même personne, fait qu'on... Je joue pas de personnage, là, c'est clair que ça va un peu se ressembler d'une façon ou d'une autre. Peut-être par certaines phrases qu'il répète, comme « la musique, c'est comme faire l'amour », mais autrement, je crois que tous les spectacles... ils sont uniques. Alors, pour tout ça, c'était très, très beau. Je suis bien heureuse de m'être levée. Alors, pour tout ça, on va en écouter Lesbos Vrouvrenne Colori parce qu'ils l'ont passé plus qu'une fois durant le show. C'est leur nouvel album, Griff Pif. See you.

Toi qui attends dans le noir de Kid Sentiment. Cette chanson se retrouve sur leur album Malandrin bien élevé. Vous écoutez Critique de Crowd avec Jolene jusqu'à 4 heures. Et ce n'est pas pour rien que je vous passe du Kid Sentiment premièrement parce que c'est bon. Puis aussi parce que c'est Fast Town 7 avec eux-mêmes et de Toxins et les Séparatwists au Divan Orange ce vendredi. Et il a l'âme, je sais pas toi Crowd, mais il me semble que cette semaine il y a eu des grosses annonces. Je sais pas, Guns N' Roses, puis GRV, pas des films Montréal l'année prochaine, mais à court terme, cette semaine, ben, il y a pas beaucoup de spectacles. En fin de semaine, c'est quand même, il y a de l'événement, il y a de l'événement, ça je concède. Et il y a entre autres Noël dans le parc et ce soir, c'est Poirier au Jardin Gamelin. Vendredi, ah oui, il y a encore de beaux spectacles. Même sold out, notre point de peau national, voir Andy Schauf avec Chris Cohen parce que, ben, peut-être tu vas rencontrer un scalper puis tu vas rentrer, mais autrement, ce serait impossible. Mais, question métal, peut-être que tu seras bien heureux de savoir que ce vendredi, il y a Reanimator, Mass Murder Messia, Jean Feu et coup de pied d'en face! J'en pense quand même ben souvent, de temps en temps à mon émission. Fait que si vous y allez, je suis curieuse d'avoir coup de pied d'en face en spectacle. Est-ce que c'est violent pour la foule? C'est à suivre. Fait que tout ça, ça se passe au petit campus. Samedi, par contre, moi j'y serai. C'est le chanteur de Smoke Art Fire avec le chanteur de Fortune Cookie Club en version acoustique. Ça se passe au Skull Central dimanche. Je pèse mes mots et je prends mon temps parce que c'est les funérailles de l'ESCO. En formule 4 à 10, ce n'est pas si grave en passant parce qu'il y aura un ESCO temporaire au deuxième étage du bord Le Cactus, mais aussi parce que c'est tout simplement des rénovations. Alors, ils vont réouvrir à la mi-mars, mais il y aura quand même, pour souligner le départ de ce présent ESCO, une messe, rien de moins. Lundi, mardi, mercredi, il y a rien, il y a tellement rien, je capotais un peu. Sérieux, Crowd, je voulais te faire des suggestions, puis le lundi, tout ce qu'il y avait, c'était genre Michel Rivard au verre bouteille. Comme, c'est pas très CISM, puis je sais pas, ouais, c'est thème. Écoute, ça va être chaleureux au verre bouteille, pourquoi pas. Mais autrement, ça c'est, oui, j'ai acheté des billets pour Casse-Noisette, fait que je te le suggère. Il y avait un beau spécial. Hey, je te rechange de Casse-Noisette dans pas long, mais bref, peut-être qu'on va se croiser à la salle Wilfrid Pelletier vendredi prochain, mais autrement, tu peux y aller le mardi. Sinon, salon de métiers d'or, va acheter des cadeaux à tes tantes, des tricots. Hey, c'est pas facile avant le temps des fêtes, crowding! Non. Fait que sur ça, je te suggère de pas aller au centre d'achat, va faire des cadeaux qui sont faits de tes petites mains ou des mains d'artisans ou des choses que t'as vraiment envie de donner, tout simplement. Fait que voilà, ce sera ma suggestion crowd pour cette semaine. On va tout de suite en musique avec les chansons du palmarès francophone de CISM en 15e et 17e position. Québec Redneck Bluesgrass Project avec les Dale Awichuk. Dans moi ça j'ai perdu du poids mais je suis là, j'ai mangé sec au Esmingard, j'ai perdu ma carte et ma masse salariale, j'étais pas stable à jouer de la gratte, le quai sous vert, ça se fatma avec une gang de pas propre, trop scrapement avec une gang de pas propre, sale, ça dérape, à ce qu'elle est détail, pas qu'à se passer les caresses, c'est rough de courir les dépenses, avec une soif aussi intense. Faut savoir où mettre ses priorités, nous on a ce qui vient sur manger. Sur le là-haut du là-haut, c'est Samsung, et avec un côté de Chang, petit pop, l'opium de Varanasi, le Wii, le Kobe, la Sousmili, a accompagné les champignons de Chang Mai, le Yabako, le Yabu, les cartons paille, les tailles pocket, les poupiettes. C'est top de rester droit, c'est rough de courir les dépenses, avec une soif aussi intense. Faut savoir où mettre ses priorités, nous on a ce qui vient sur manger. C'est beau de voir ça, bien et tout. C'est beau de voir ça, hein? Bien-être tout, et des bien-être. Ah, désastre! Les Delaware Chuck sont de retour sur leur album Désavantages numériques, 17e position. Et je tiens à souligner que c'est 3e chanson de leur album. C'est la même chose pour Québec Redneck Bluesgrass Project, des gros points en commun. 3e tune de leur album respectif. Et eux, Québec Redneck, leur album s'appelle Royal Reguin. Hey, pour toutes les autres positions, ben t'as juste écouté CISM parce qu'on les diffuse souvent. Mais il y a aussi le site internet et l'application. Alors, CISM893. Hey, j'ai été mentionnée plus qu'une fois. En effet, je suis allée les voir. C'était jeudi dernier. Dis-moi que j'ai raison, Étienne, parce que moi, le calendrier, comme j'ai mentionné en début d'émission, c'est pas trop mon fort. Au niveau de la date, ça va très bien. C'est effectivement jeudi dernier, le 1er décembre, qu'on a pu voir Pop. Oui, Pop. Et non, pas Poop. Ben, à vrai dire, c'est un U muet qu'on prononce comme un E choua. Fait qu'à chaque fois, je suis un peu perdu pour les prononcer comme Poppy, Pop, Pop, exact. Poppy, Pop. C'est vrai ça. Pop. Ben, je dis Pop. Ouais. Hé, hey, là, que ça se passera pas cette émission-là. Mais je viens de comprendre pourquoi j'ai complètement perdu mon calendrier de l'avance parce que j'étais trop occupée avec Pop. Ben, c'est vrai pour ça. Parce que c'était vraiment bon. Ouais, ça a pris tout mon esprit. Et c'est pas pour rien que je t'ai demandé qu'on en jase en onde, parce que c'est pas la première fois qu'on se croise à leur spectacle. Tout à fait. Il y a 2 ans, ils étaient au Puzza Fest. Ouais. Alors, en 2015, effectivement, ils étaient partis d'une soirée du Puzza Fest au Fouf avec, entre autres, Jeff Rosenstock et Fake Problems. Tout pour me séduire, cette soirée-là. Mais donc, oui, là, il était à la salle à Rossa la semaine dernière. Tu te posais un peu les questions, en fait, pourquoi... Ben, on l'est dit hors d'onde, le cher éditeur. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je viens de se poser des questions. Ben, qu'est-ce qui s'est passé pour que le groupe, entre le Puzza 2015 et le spectacle du 1er décembre 2016, pour qu'il y ait un engouement. Une attraction, oui, parce que c'était sold out. C'est 250 places, là, salle à Rossa. Au Foufoune électrique, ce n'était pas plein. C'est plus grand, mais en même temps, c'était sold out quand même à l'avance. Fait, je me suis dit, mais que se passe-t-il? Le punk rock est-il vraiment de retour? J'en entends beaucoup parler, mais là, ça, en tout cas, ça se confirme avec eux autres, avec ce groupe-là particulièrement. Ouais, c'est ça. Pour ça dire que le punk rock est de retour et devient de plus en plus populaire, ouais, moi non plus, je c'est d'autres choses. Ouais. Mais Pop, oui, a un peu le vent dans les voiles. Le groupe fait de la tournée là, pas mal tout le temps depuis 2011 environ, dans le temps qu'il s'appelait Topanga. Et le bouche à oreille est très fort. Les crowds aiment beaucoup les spectacles de Pop pour leur énergie et leur attitude sur scène. Tu sais, qui est un peu juste avoir du fun au final. Tu sais, ils se prennent pas pour d'autres choses. Ils font rien de vraiment très, très spécial. Ils ont juste du fun à jouer leur tune. Puis ça donne que c'est également des bonnes tunes. Ce qui fait que le public aime beaucoup ça. Et ça se jase tranquillement pas vite. Puis le mot court à travers. Et il y a toujours un petit peu plus de monde dans leur spectacle à chaque fois. Le groupe a d'ailleurs mentionné que c'était une crowd difficile généralement à Montréal. C'était leur premier show headliner, si on veut, pour de vrai à Montréal. Mais ils étaient sold out. Avant, ils faisaient toujours des premières parties de groupe. Ils ont fait la première partie de Titus Andronicus, entre autres. Ils ont fait la première partie de... Ben, à ce moment-là, au Puzza, c'était je sais plus qui ce soir-là. Mais tu sais, ils sont toujours en première partie de quelqu'un. Mais là, première tête d'affiche et... Première salle comble, donc faut croire que le Montréal commence à rattraper le mouvement Pop et à embarquer dans la foule qui n'a pas pris de temps à aimer ça dès la première chanson, hein. Le pit était parti. Et ça a été d'une constance incroyable, du début à la fin, très peu de repos. À vrai dire, il n'y en avait pas du tout. Exact, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de moment mort. Faut dire qu'il n'y a pas vraiment de chansons très, très smooth non plus dans le répertoire de Pop. Moi, ce qui est drôle, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de chansons dans le nouvel album qui me laissaient présager des moments où tu allumes ton lighter ou des moments où t'as le poing en l'air, et ça n'a pas été le cas. Peut-être que je m'imagine qu'un jour, ils vont faire des tunes de stade, là, inconsciemment. Ouais, ben, il n'y a pas encore tant de moments comme poing en l'air chanté à l'unisson avec le groupe. En même temps, il y a tellement de phrases que les gens connaissent et aiment que, au final, tu finis par chanter quand même tout le temps avec le band. Puis, il y a cette communion-là qui s'établit. Il faut dire aussi que je dis qu'il y a un engouement. Il y a aussi un engouement qu'on lance dans l'album en juin dernier, The Dream Is Over. Et il y a toute une histoire autour de cet album-là qu'il n'aurait pas dû être fait parce que le chanteur s'était fait dire qu'il pourrait plus jamais chanter à cause de blessures aux cordes vocales. Finalement, il a continué. Il a fait l'album pareil. Les chansons traitent de la vie difficile de tournée parce qu'ils sont tout le temps en tournée. Puis que, tu sais, au final, tu finis un peu par t'haïr pendant une tournée. Mais, tu sais, au final, ils s'aiment pareil. Puis, en plus de ça, l'album a été nominé sur la courte liste du Polaris pour le meilleur album canadien cette année. Ils n'ont pas remporté, mais quand même, c'est quand même quelque chose de... Tout ça fait que le groupe est ou plus populaire aujourd'hui qu'il l'était en 2015. Ouais, et peut-être comme tu as mentionné, quoi qu'ils viennent pas du Québec, là, c'est des Ontariens, ouais. Mais les deux grandes solitudes, des fois, on peut les retrouver parce que même la première partie, Golfer, paraît-il qu'ils sont très populaires en Europe et ici, ben, ça ne disait pas grand-chose et il n'y a pas eu une tant grande attraction non plus dans la crowd. Quoi que ça leur a ça attire les gens de tout horizon à Montréal. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même un groupe qui a du potentiel de Golfer, disons. Après les avoir vus, là, ça se passe bien. Il faut juste qu'ils travaillent justement leur jeu sur scène. Un petit peu, là. Mais... Ah, j'ai l'impression que musicalement, c'est le genre de truc qui va rester relativement toujours un peu tranquille dans oui, la crowd. Oui, oui, mais... Tout à fait. Ça reste que ça peut avoir un certain succès quand même. Effectivement. C'était bien fait. T'sais. Effectivement, effectivement. C'est juste que pour être tête d'affiche, là, c'est le moment où je vais un peu moins être portée à y aller que voir Poop où, justement, je savais que ça allait être un très gros spectacle. T'as des commentaires sur la critique de crowd? Félicitations tout le monde. Il n'y a pas eu de niaiserie, mais il y a eu beaucoup de plaisir. Il n'y a personne qui s'est fait mal, je pense. C'est vrai, je me suis pas fait mal. Ah, tu vois? Je me suis pas blessé zéro. mais c'est ça, tu sais, le trash était gentil, dans le sens qu'il y a pas de... Des fois, tu te demandes dans le trash qui font des trucs parce que tu comprends pas, puis au final, tu te trouves un peu dangereux. Pas là. Puis il y a eu juste assez de body surfing pour avoir de l'ambiance, puis pas taper ses nerfs du monde en avant. Puis il y a aussi Jolaine Ruet qui a amené quelqu'un sur scène. C'est à suivre. Mais il y avait beaucoup d'animateurs de CISM. Oui, on était 10, à moins que j'en ai raté. T'as compté. Ouais, ben, c'est pas tant compliqué. Mais quand même, jusqu'à 10, c'est juste mes deux mains, là. Après ça, j'aurais eu de la misère. D'accord, mais, ouais. Déjà, on est en soulier. Tu peux pas compter sur tes orteils. Non. Mais, ouais, parlant d'animateurs, inversement, bon, là, ça touche peut-être pas les auditeurs de CISM, mais personnellement, ce qui est très agréable d'un spectacle de Poop, c'est de pouvoir pousser son boss. Parce que Étienne était au spectacle et on peut le pousser dans le mosh pit. Fait que c'est toujours comme un agrément hors travail. Fait que voilà. Moi, c'était mon supplément, c'est de pouvoir te pousser. Tant mieux. J'ai fait ta soirée en faisant ça. Moi, j'étais content d'être là, fait que tant mieux. Ah, ben écoute. Non, ouais, je te blague, mais ouais. C'est vrai que ça fait un moment incroyable, là. Je vais pas te pousser à CISM. Fait que ça serait moins bienvenu de me pousser dans la réception ici, effectivement. Attention après 4 heures, fait que sur ça, on va continuer en musique avec Jeune Premier, parce qu'Étienne, c'est un jeune premier, mais André, c'est un punk, puis ça, c'est le toune. C'est le toune, oui, c'est le nom de la toune. À tout de suite. Julie aime le funk, ils s'en vont à Montréal voir les Ice Cap Mates. Et oh, je ne sais pas pourquoi. Oh, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Oh ouais, mais c'est comme ça. Oh ouais, mais c'est comme ça. Oh ouais, mais c'est comme ça. Oh ouais. Mon deuxième couplet, il paraît comme mon premier. Ouais, André, c'est un punk. Julie aime le funk, ils s'en vont à Montréal voir les Ice Cap Mates. Je ne sais pas pourquoi. Oh non, je ne sais pas pourquoi. Mais tu viens. Star mec, pas sur le bureau de Gérard Louvain. Une valise, tu crois qu'on s'arrête si t'es bête. Sans perdre par le choc des putains de la skunk. Mon teul jack est mal assié. Plutôt sincère, inutile. Mon fuck est juste risible. À foutre en l'air, inadmissible. Ta tête éclatera avant tant des prix qu'on sort. Et tu chanteras pas pour cacher pour la cadence. Passons des sons pour casser. Dans l'ambition, je connais des trucs qui sont plus de ton âge. Mon bucket est mal à pied. Plutôt sincère, inutile. Mon bucket est juste risible. À foutre en l'air, inadmissible. Ton bug me laisse. Me laisse. Ton bug blesse un goût. Que ça t'a pas croqué la petite face, toi. Fait que vous écoutez toujours CISM et vous avez écouté Jeune Premier, Navet Confit. Ah, c'est remix de Mannequin de Magasin. Fait que là, c'était sa version punk. Mais là, mais les nôtres! Et finalement, vous avez écouté les Français, Nina School avec Punk Rockstar de leur album Du Bruit dans la Tête. Merci beaucoup à Étienne de nous avoir bien éclairé sur Poop et nous avoir rappelé comment bien le prononcer. Ça, c'est, OK, ça, c'est ma vie, bien prononcer les choses, ça n'a pas de sens. Fait que, ouais, si j'ai des défauts langagiers, je crois que inversement, il doit y avoir les moments où je parle pas et qu'il se passe bien, bien des choses. Parce que quand on est dans la rue, on marche, on croise tellement de gens et il se passe rien. Et d'autres fois, c'est complètement l'inverse. Et peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est pas sur la rue, mais dans le métro. Les sous-sols de Montréal, les charmes qu'ils ont. Alors, jeudi dernier, avant d'aller voir Poop, je sors complètement de mes habitudes, mais complètement. Je suis à Square Victoria, je suis jamais là-bas, je suis complètement perdue parce que je vais aller m'acheter des billets pour Casse-Noisette. Et quand je dis sortir de ces habitudes, ben justement, aller voir de la danse classique, je suis comme, vas-y Jolène, va voir tes classiques de Noël du temps des fêtes. Fait que j'étais vraiment motivée et vraiment perdue parce que au début, j'étais pas à Place des Arts, j'étais à Bonaventure, c'est un gardien de sécurité. Ben ouais, dans le fond, je suis retournée au Salon du Livre, on dirait, c'est comme là où c'est, le Palais des Congrès, puis un gardien de sécurité qui savait pas du tout de quoi je parlais, il m'a dit « Ah, peut-être Square Victoria! » Je l'ai écouté, et j'ai bien suivi ses conseils, et je m'y suis rendue, quel parcours! C'est un vrai labyrinthe, les sous-sols de Montréal! Et s'acheter des billets pour Casse-Noisette, parce qu'il y avait le marché Casse-Noisette, finalement, alors il y avait des réductions, et je vous parle de ça, tu peux zéro en profiter parce que c'est fini. Et surtout, il y avait deux kiosques. Fait que j'étais tout le temps en train de faire les allées et venues comme « Ah, mais là, ça, c'est les billets de saison. Ah, ça, c'est Casse-Noisette. » Réaliser que je connaissais pas la date. Et après ça, j'étais comme « Ah, mais cette date, est-ce que je suis libre? Ah, là, la vie, c'est compliqué. » Fait que là, finalement, je fais demi-tour puis j'ai rien acheté. C'était vraiment... C'était vraiment ridicule. Moi qui voulais gagner du temps avant d'aller voir Poop, j'étais comme « Wow, ça servait à rien. » Ben, ça servait à prendre une marche, là. C'est toujours agréable. C'est toujours dans les moments, ça c'est une théorie bidon et bien personnelle, mais c'est toujours dans les moments où on sort de nos habitudes qu'il se passe des choses incroyables. En tout cas, c'est mon cas, car je parle pas, puis je marche dans le métro, puis je suis pas partout dans la bonne direction. Justement, c'est ça, je marche dans le sens contraire, puis il y a un gars qui traîne un tabouret, comme dans ses mains, là, un tabouret. Là, je fais, voyons, c'est bien drôle. Fait, j'ai fait une grosse face, tu sais, je parle pas, mais je suis comme, mais mon Dieu, c'est bien drôle, mais ça, on est au centre-ville, monsieur, veston, cravate, le gars, il tient un tabouret, un peu cheapette, je suis comme, c'est bien drôle, fait que moi, ça me fait rire, fait que j'ai fait une face de drôle, là. Finalement, je réalise que je suis pas dans le bon sens. Fait que je vais dans sa direction. Là, c'est le moment, ouais, justement, que j'ouvre ma grande gueule, puis là, je fais comme, « Mais voyons, qu'est-ce que tu fais avec un tabouret de même, en plein centre-ville? » Et c'est là qu'il m'annonce ce cher inconnu, là, complètement, complètement inconnu, qui a lâché sa job. Il a dit, « J'ai tout lâché. J'ai tout lâché. J'ai sous-loué mon appart. Je viens de lâcher ma job. Aujourd'hui, lundi, je pars en Amérique centrale recommencer ma vie. » Ah, je suis restée bête. Hey boy! Tu sais, je sais pas, c'était plutôt gaiement, là, je jase avec quelqu'un un peu par hasard, puis je m'attendais pas du tout à cette réponse-là, qui était, je le dis avec une certaine gravité, là, mais c'était pas le cas, il y avait quelque chose d'extrêmement libérateur, le changement, et ouais, profond et intense, j'ai dit, mon Dieu, tu as décidé d'aller loin, et en plus, c'était un Français, il y avait déjà, ok, on a eu le temps de jaser de la vie, de la mort, du capitalisme, fait qu'il m'a toujours bien raconté aussi sa vie, fait qu'il était aussi allé travailler en Australie avant, fait que pour lui, l'Amérique du Sud, il m'avait dit, hey, on est francophone, apprendre l'espagnol, c'est toujours moins compliqué que d'autres langues, il me disait, effectivement, sauf pour moi, si j'ai déjà de la misère avec le français, l'anglais, fait qu'imagine d'autres, fait que j'ai trouvé quand même, effectivement, comme ben, courageux, je sais pas si ce serait le bon terme, mais du moins, ouais, de pas se donner de limites. Le gars, il se donnait la terre entière pour, vivre autrement, parce qu'il était tanné de sa job de bureau. Et là, on prend le métro ensemble, on était dans la même direction. Et pendant que, justement, on jase de tout ça, c'est un peu drôle, parce que c'est petit, quand même, les wagons du métro de Montréal. Fait, j'ai l'impression que tout le monde devenait complice de la situation, parce que je parlais beaucoup trop fort. Fait que je parle fort, puis... Pendant qu'il me raconte tout ça, je me dis « Hein? Mon Dieu, garçon! J'en reviens pas! J'en reviens pas comment je partage en ce moment avec toi un moment charnière de ta vie. Ouais, un moment marquant, tu lâches ta job, puis t'en vas tout recommencer ailleurs. Je trouve ça drôle de vivre ça avec toi, puis ton tabouret. J'étais impressionnée de ce timing. Le fait que, un, je sois vraiment perdu, mon débit de marche, le flot de circulation, me reperde avec Anse-Noisette, qui fait en sorte que je croise un gars qui a décidé de tout sacrer le camp pour recommencer en Amérique du Sud. J'étais comme, c'est drôle! C'est drôle, le timing! Tu sais, il n'y a pas... On pourrait pas mettre de statistiques, de pourcentage ou de probabilité qu'on puisse se croiser, que je fasse une face drôle, qu'on jase. Je trouve ça si mince et si grand. Comment jaser à du monde un peu nowhere? Puis j'étais comme, c'est fou. Moi, j'étais impressionnée par la situation. Juste à temps qu'on arrive à Berry-UQAM, puis là, il fait comme, ah oui, moi, je m'en vais porter mon tabouret chez les amis parce qu'il garde pas, tu sais. Il va pas partir avec en voyage. Il me fait une face. Mais là, j'y avais fait une face. Fait que là, j'étais comme, OK, je suis prise dans l'anecdote. Je suis prise à le suivre jusqu'à la fin du tabouret. Fait qu'à deux, je le connais pas partout, mais on s'en va chez ses amis qui étaient pas présents en passant. On est comme, allé le porter comme à sa porte. C'était un peu niaiseux. Bah oui, je l'ai suivi dans la démarche d'aller porter le tabouret cheap jusqu'à chez ses amis. Parce que je me suis dit, OK, t'as commencé ça avec lui. On va terminer ça comme une boucle. On est là à Berry-UQAM, puis... Là, c'est vraiment une parenthèse musicale et CISM en même temps parce que c'est un peu drôle. Il y a beaucoup de publicité artistique, culturelle, tu sais, à Berry-UQAM. Mais là, il y en avait une immense de rouge pompier. Fait que là, il y a comme l'immense face à Jesse qui me regarde, tu sais, pendant que l'autre gars, il me compte, il compte sa vie. Puis ça m'a fait penser à une de ses chansons, justement, sur son plus récent album, qui est, attends un petit peu, je retrouve le titre, « Pas ton temps ». Puis tu sais... Dans perds pas ton temps, tu sais, il dit pourquoi accumuler autant d'argent tandis que tu pourrais juste vivre, tu sais, tout l'argent que tu vas faire en 30 ans puis pas vivre pleinement. Puis il me dit shit, wop, c'est exactement ça que le gars vit. Je trouvais que ça avait vraiment du timing, mais ça je l'ai pas partagé parce que je pense qu'il connaissait pas le groupe, ça faisait même pas un an que le gars était à Montréal. Et bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé que tout fitait en même temps, j'étais comme oh mon Dieu, quel moment intense. Et peut-être vous aussi, vous me direz, Jolène, pourquoi il traînait un tabouret? Mais parce qu'il travaillait debout, parce qu'il avait mal au dos. Finalement, son tabouret était visiblement trop cheap, fait que finalement, il travaillait juste debout. Mais c'était quoi sa job? Il était graphiste 3D et il a été complètement aliéné de faire les frames. Attention, moi j'ai capoté. Des mignons. Le gars ne travaillera plus jamais à faire des frames de mignons. Il y en a un de moins! Il y en a un de moins qui va faire des mignons dans le monde! Un de moins, c'est quand même beaucoup. Tu vas me dire qu'il y a quelqu'un qui va le remplacer, il va avoir encore des mignons dans le monde. C'est pas grave! C'est pas grave! Un mignon de moins sur Terre! Et oui, oui, créer des mignons, ça aliène l'esprit. C'est dangereux. C'est ce que vous aurez appris sur les ondes de la marge. Fait que voilà. Réalisez vos rêves. Écoutez pas les mignons. Puis on va écouter Rouge Pompier parce qu'il était trop de timing d'Abéry UQAM. Au fait, je suis comme... Sur le coup, moi, j'avais fait comme, voyons, la pub est bien vieille. L'album est pas sorti ce printemps. Fait que voilà. Je sais pas comment fonctionnent les publicités à Abéry UQAM, mais en tout cas, ils auront été de timing. Fait que Rouge Pompier, Chevy Chase, perds pas ton temps. Perds pas ton temps avec un amour qui sert juste à faire passer les jours plus vieux ou faire de la bouffe au moins pour deux. Perds pas ton temps avec le passé pas réglé que tu vois dans le miroir si t'as pas l'appétit pour une nouvelle histoire. Bébé. T'as pas des belles dents, si elle voit pas tes grands yeux intelligents. Bébé, la la la, la la la. Perds pas ton temps avec un père de famille inconscient de la force qu'il a pu t'offrir en t'ignorant souvent. Perds pas ton temps avec un montant d'argent que tu peux faire en 30 ans. T'as pas l'intention de les vivre pleinement. Rouge Pompier sur les ondes de la marge, critique de crowd qui, ouais, s'emballe pour la crowd qu'on rencontre comme ça dans la vie de tous les jours. Parce que, ouais, vivre en société, ben, c'est beaucoup de crowd, mon petit, on la voit pas toute en même temps. Mais reste que, ouais, ça, c'est un peu mélangé mes plans parce que je suis arrivée comme, ah, je voulais être à l'avance pour Poop pis pour Golfer. Fait que, ouais, aller porter un tabouret, là, ça m'a un petit peu mélangé dans mon horaire de crowd. Et surtout, je suis arrivée à la première partie et j'étais juste trop excitée de compter mon anecdote à tout le monde parce que je trouvais ça vraiment incroyable. Fait que je confesse, j'étais la crowd qui parlait vraiment trop fort en arrière pendant que tout le monde était calme. Tu sais, j'ai fait une petite vérification de foule. J'étais comme, OK, tout le monde est tranquille, je vais en avant. Ouais, ça bouge pas, t'sais, des petits bang bang de tête. Tu sais, pas headbang, là, juste bang bang, tu sais, ta tête a rebondi. Fait que il se passe pas grand chose. Et j'ai beaucoup trop d'anecdotes à compter à mes amis parce que oui, il y avait beaucoup d'animateurs de CISM, fait que ça décuplait mon bonheur et mon excitation de le repartager encore plus grandement. Fait que voilà, pour cette raison-là, au lieu de vous passer du golfeur, on va écouter plutôt Angine avec la chanson Moulin à parole. Son charme, avant même que ne tombe la nuit, elle me parle, elle me regarde, par-dessus tout, elle me sourit. Elle est brillante, elle est jolie, elle a tellement tout pour plaire, elle me raconte toute sa vie, on en est au premier verre. Je suis tombé dans l'alcool, en même temps que dans l'ennui. Elle est un moulin à paroles, elle n'arrête pas, elle m'étourdit. Je suis tombé sous son charme avant même que ne tombe la nuit. Si bien qu'il ne me tarde, avec elle au lit. Les goules, on n'en passera jamais assez des chansons de leur plus récent album, Coma. Parle. Ben oui, je trouvais aussi que c'était bien thématique, tout comme Angine que vous avez entendu avant, avec la chanson Moulin à paroles de leur album, ou bien ancien album, Chanson d'amour. Vous écoutez toujours Critique de Crowd, qui, oui, s'énervait, mais pas pour les mêmes raisons, comme pas musicalement à la première partie de Golfer. Je vous conseille, par contre, d'aller en écouter sur les internets, même si je vous en ai pas diffusé. Et, ben oui, on en a parlé avec Étienne, je le mentionne. Pop! Ben, il fallait bien qu'il joue un jour. Et comme on a bien mentionné, l'ambiance, elle a embarqué, la première chanson, c'était l'intro était un peu latente, fait que ce n'était que pour mieux rebondir et commencer un peu un feu d'artifice, comme prrr, puis après ça, c'est un feu d'artifice qui ne cesse jamais, finalement. L'ambiance, elle embarque, et c'est du début à la fin, le pit est bien installé en avant, 2-3 rangées, oui, de fans qui vont, être bien en avant, qui vont, ramasser la vague des gens dans le pit, parce que le courant, on dirait que je parle d'eau, là, mais le courant dans le pit, oui, c'était bien, des poussées plus par en avant plutôt qu'un pit circulaire, même s'il en avait la forme, c'était plus facile de rester coincé entre les gens en s'avançant plutôt que, des mouvements hyper variés, mais de l'action, oui, ça, il y en a, t'embarques, là, puis tu te perds un peu, c'est un désordonné, mais agréable, mais juste assez pour que tu fasses attention à soi. Non, aucune blessure, aucun mouvement de coude, vraiment. Mais quand je dis faire attention, c'est parce que, ça concerne plus Critique de Crowd. Moi, je vais prendre des notes, dans le mosh pit. Fac! Je traîne soit un calepin, soit mon téléphone. Mais là, j'avais aucune poche! Je me suis fait beaucoup rire quand j'ai mis mon téléphone dans mes bobettes parce que c'était la seule place où je pouvais ne pas perdre mon téléphone. J'étais comme si je veux tester le trash, le body surf. Comment je vais faire? Je veux pas comme tout le temps le laisser à quelqu'un dire « Tiens mes affaires pour que je prenne des notes. » Non. Ça veut dire que c'était dynamique au point que t'as besoin de mettre tes affaires importantes dans tes pantalons et non dans tes poches. Anyway, j'en avais pas. Et parlant de stage dive, body surf. Non, le body surf est pas... C'est pas la meilleure technique. C'était beaucoup, beaucoup de stage dive. J'ai été pratiquement étonné que ça soit vraiment la pratique la plus dominante, parce que à avoir testé le body surf, fonctionnait moins bien. Peut-être c'est juste l'habitude que les gens vous les voyaient venir en avant sur scène qui faisait que c'était plus efficace. Je pourrais pas dire. Je pense que c'était aussi juste l'habitude de la foule pour l'événement. Mais autrement, il était très, très, très agréable. Vraiment. Des beaux stage dives. Pas des stage dives non plus hardcore où là, tu te garoches puis que tu vas comme fesser quelqu'un. C'est une bonne lancée, là. Un bon atterrissage, les gens en retenaient bien. Et parlant de stage dive, oui, je pense que j'en ai fait à deux reprises. La première fois, c'était, quand je dis qu'il y avait beaucoup d'animateurs de CISM, c'était, j'ai reconnu l'animatrice des Frivoles. Fait que j'ai dit, oh mon Dieu, viens! Là, je pense qu'elle était pas consciente de ce qui allait arriver. Fait que je l'ai pris par la main, je l'ai fait monter sur scène, je trouvais ça bien drôle, on s'amuse, ha ha ha. Puis après ça, moi, je m'élance en me disant comme elle va venir avec moi, tu sais, stage drive à deux, ce qui est un peu plus périlleux, mais bon, pour une première expérience, on sait jamais. Ah non, non! Ouais, la personne qui a fait demi-tour là, sur scène durant le spectacle, ben, c'est un peu à cause de moi, je m'excuse. Je m'excuse, Delphine, je m'excuse. Mais en même temps, autrement, je pense qu'il y avait beaucoup de camaraderie, tu sais, en voyant des visages que je reconnais, puis je suis comme, hey, allez, viens! Tends la main vers le pit. Et c'est pas avec désagrément, là. Les gens acceptent volontiers et s'amusent. C'est partie de plaisir, terrain de jeu. Ouais, c'est un pit terrain de jeu, parce que c'est peu dommageable, et comme Étienne l'a mentionné, puis c'est le mot que j'ai mis en caractère gras sur mes notes, sécuritaire. Ah, que c'était sécuritaire! C'est un peu étrange à dire à un spectacle comme « Les gens faisaient attention! » Pas sur un chantier de construction, mais effectivement, les gens étaient très sécuritaires pour, par exemple, attacher ses souliers avant de stage diver. Effectivement, tu risques de moins de péter à la gueule. Sécuritaire, parce que oui, ça arrive souvent, on va faire un cercle de sécurité quand les gens tombent, mais là, étant donné la densité qu'il pourrait avoir dans le pit, c'est très serré, très noyau, là. Ça peut être un peu plus complexe de tasser les gens, mais ça se passait, et le cercle de sécurité où les gens entourent par leurs bras la personne qui tombe, oui, qui rattache aussi ses souliers, ben, va se faire, par beaucoup de gens, ça va être nombreux, ça va être long. Oui, le temps que ça prenne pour quelqu'un soit debout sur ses pieds, puis qu'on fasse « OK, t'es correct », ça prendra le temps que ça prend, même si t'es au beau milieu du pit où tout le monde pousse en avant. Fait que ça fait des « Ouah! » Tu sais, c'est un peu désordonné, c'est pas facile non plus de tenir, mais vraiment une attention envers les autres. J'ai trouvé ça remarquable. C'était beau aussi à voir, et je crois que ça faisait partie de cette harmonie-là générale du spectacle. T'sais, tout le monde souriait. Oui, les gens, ils chantent les paroles, ils les connaissent par cœur, des gros, gros sourires. À la toute fin du spectacle, il y a une fille qui a raté son stage dive, puis elle a fait un énorme câlin à son amie. Elle était heureuse. Bon, elle était pas heureuse d'avoir pogné une débarque, là, on s'entend, mais elle était heureuse! C'était un beau moment, elle s'amusait. Tout se faisait dans le rire. Ouais, c'était sympathique, encore une fois. C'était beau à voir ensemble. Il y avait une bonne homogénéité de foule. Je pense que tout le monde était sur la même longueur d'onde. Fait que, ouais, c'est pour ça qu'il y avait comme une bonne énergie qui circulait partout. Question musique, ben oui, évidemment, c'est excellent. Le chanteur, dans ses interactions, va une fois percher le micro vers la foule. Parce que oui, on chante, et là, on change encore plus. Il y a eu aussi un bon fight à une des filles qui organise le Ska Fest. J'espère qu'elle était présente dans la salle, ou du moins, je te passe un message. On t'a chanté bonne fight, fille. Fait que, bonne fight encore! Hey, j'ai envie déjà de vous en passer du pop, parce que c'est le fun, puis tant qu'à vous en parler, maintenant, ce serait agréable d'écouter. Ça, c'est ma chanson préférée, fait que de leur nouvel album, The Dream Is Over, Familiar Patterns. avec la chanson Familiar Pattern de leur album le plus récent, The Dream Is Over. Critique de Crowd! Et en plein milieu du pit, ouais, j'ai été, je sais pas à quelle fréquence j'étais là, souvent, pas souvent. Le spectacle est emballant et il y a pas vraiment de pause, fait qu'on a plus de temps, cette perspective de il est quelle heure, combien de temps ça a duré. Non, aucune. Par contre, question température, ça, on prend bien conscience. Je pense, je suis frileuse au moment qu'il fait frais, puis chaleureuse au mauvais moment. Bref, mon corps se tempère pas super bien. Puis, dans le pit, oui, la température se décuple encore plus, ce qui fait en sorte que tu t'essuies le front, pas pour essuyer ta propre sueur, mais celle des autres, parce qu'on est dans le trash. Ces bons agréments de pit. Et par contre, ce qui m'avait un peu surprise dans la crowd, ça n'a pas vraiment d'impact là, sur les événements. Là. C'est juste personnellement, vu que je crevais de chaleur, il y avait un gars en avant, vraiment première rangée, là, accoudé sur la scène, qui portait son manteau, puis il avait sa capuche par-dessus là, sa tête. J'ai est-ce qu'on est dans la même salle, toi pis moi? Tu sais, c'était complet, sold out, 250 personnes. Ce qui est toujours drôle avec la salle, c'est que je trouve qu'elle est encore... espacé, tu sais, comme, tu te déplaces facilement, c'est pas comme, c'est pas, ouais, tu te sens pas comme pogné. Fait que je, moi, je suis toujours surprise, mais lui, il m'a quand même encore plus surpris, mettons. Dans le pit, j'ai servi d'une technique bien particulière, peut-être pas la première fois, et c'était pas mon idée, c'est plutôt celle de, saluons-la, Juliette de Punkzilla, chère émission punk, la seule et la dernière qui nous reste sur les ondes de la marge, fait que les mercredis soirs manquent pas ça, et Juliette avait décidé comme ça, tout bonnement, de danser en valse dans le pit, et vraiment, vraiment, je vous le suggère, c'est une technique qui est vraiment bonne. Souvent, ce qu'on peut voir dans un trash, c'est des gens qui se prennent à deux, un peu coude à coude, là, par-dessus l'épaule, ton bras placé, ça avance bien, ça avance comme un mur de briques. Avec, en valse, ce qui est intéressant, c'est d'avoir comme la pointe de ton bras qui transperce le pit. Ben oui, ça permet comme de vraiment frayer son chemin de façon efficace. Et évidemment, tu doubles ta force parce que t'es deux. Bon, nous deux avec nos petits frères, ben ça fait quand même le double de notre force, là. Moi, je trouve qu'on était devenus insurmontables. Mais ouais, la force du nombre, je trouve que ça fait la différence. Déjà, j'ai dit, je me suis pas blessée, mais aussi d'être en partenariat de trash, c'est encore plus d'efficacité. Et je me suis dit, hey, imagine un pit que de valse. Peut-être que justement, ça perdrait son attrait si tout le monde le faisait, mais ça pourrait devenir une technique très, très drôle. Moi, je vous le suggère, allez-y, dansez la valse dans les trash. Vraiment, j'ai été vendue au concept durant le show, durant Poop, c'est fou. Et autre chose, là, ce sera un message à tous les auditeurs de CISM qui me croiseront peut-être en spectacle. C'est fort sympathique de boire de la bière, mais offre-moi-en pas durant le show parce que justement, si tu veux du beau contenu en ondes, ben, je suis plus en train de m'énerver que de boire du houblon. Fait que là, il y a quelqu'un qui m'en a fait une, puis là, je suis comme, ah non, je suis pogné avec. Là, je suis pogné avec, puis... J'ai fait un constat quand même agréable et un constat punk rock. Gens autour du pit, t'as pas tant envie de boire ma bière. Tu sais, je te le suggérais, puis peut-être que je suis tombée que sur des dédaigneux, là. C'est peut-être, c'est possible. Mais dans le trash, déjà, c'était quand même périlleux de tenir mon verre, puis j'allais dire pas trop en échapper, j'avoue qu'à ce stade-là, je m'en foutais un peu. Mais reste que là, j'étais là avec ma bière, puis... Les gens sont assoiffés dans un pit. Fait là, j'étais là comme, ah, qui veut ma bière? Fait, tu voyais comme les bouches des gens dans le pit, comme des petits oisillons dans le nid. Moi, moi, moi, moi! Fait que je versais, allez, buvez! Buvez, ces petits tracheurs! Allez! Soyez rafraîchis! Fait que oui, par contre, c'est le constat que j'ai fait. Les gens sont très, très sur le party dans le pit. Ils sont prêts à accepter des choses un peu plus... inhabituel, comme accepter les breuvages des autres. Tandis que, se calme autour du pit, et même plus loin. C'est quand même un constat un peu simple, tu sais, plus t'es fêteur, plus t'as envie de participer, plus t'as envie de t'énerver, là. C'est rare, tu dis, ah, je suis un fêteur fini, mais je me tiens dans le fond de la salle, les bras croisés. Non! Mais quand même, ça prouve encore plus que durant Poop, les gens, ils font la fête, ils s'amusent, mais encore une fois, c'est bien fait, et c'est drôle, quand je dis sécuritaire, j'ai échappé de la bière, on n'en a jamais senti sur le plancher, je sais pas ce qui s'est passé, sécuritaire, même pour tes déplacements, des fois t'as l'impression que tu as tout le temps pogné une débarque parce que le monde est trop chaud, dérapage, bref, tout

Evenco, Greenland et Montréal en lumière présentent le chanteur, compositeur, interprète de psychédélique folk, Devendra Benhart, le vendredi 10 mars au Métropolis. Billets en vente le vendredi 2 décembre à 10h au 1-855-790-1245 ou via evenco.ca. Ne manquez pas Devendra Benhart en spectacle. Le nouvel album Ape in Pink Marble en vente dès maintenant. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Cette émission est une rediffusion. Hey, salut les